se veut dire plus grand. À côté de quoi? L'autre côté, au contraire, fera rapetisser. Mais l'autre côté de quoi? Du champignon, mon ressort. Thank you. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas toujours tout ma tête. Et vos bras. Si les gendarmes sont comme ça, ils vont mieux faire les contrarier.